ans que sur le chemin, j'étais bien sûr que je trouverais l'amour. Ça fait 10 ans que sur le chemin, j'étais bien sûr que je prendrais ta main. Prenant son vol, l'oiseau m'a dit, il y aura de l'amour pour tous ceux qui pleurent. Prenant son vol, l'oiseau m'a dit, il y aura de l'amour pour les gens d'ici. Ça fait 9 ans que sur le chemin, j'étais bien sûr que je trouverais l'amour. Ça fait 9 ans que sur le chemin, j'étais bien sûr que je prendrais ta main. Prenant son vol, l'oiseau m'a dit, il y aura de l'amour pour tous ceux qui pleurent. Prenant son vol, l'oiseau m'a dit, il y aura de l'amour pour les gens d'ici. Ça fait 7 ans que sur le chemin, j'étais bien sûr que je trouverais l'amour. Ça fait 7 ans sur le chemin, j'étais bien sûr que je prendrais ta main. Prenant son vol, l'oiseau m'a dit, il y aura de l'amour pour tous ceux qui pleurent. Prenant son vol, l'oiseau m'a dit, il y aura de l'amour pour les gens d'ici.